Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire québécoise debout, l'aventure du féminisme révolutionnaire au Québec. La libération de la femme s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global qui est la libération du peuple québécois. Maintenant, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de créer des cellules dans différents milieux à partir de problèmes bien concrets. Par exemple, les femmes qui travaillent dans des bureaux ont des problèmes différents de celles qui travaillent dans des usines et aussi des femmes qui restent à la maison, qui s'ennuient, qui restent en banlieue, qui ne savent pas trop quoi faire de leur journée, mais qui sont prises avec des problèmes quotidiens qui sont aussi aliénants que les problèmes de la femme qui travaille à l'extérieur. Nicole Thérien, militante du FLF à l'émission Présent en mai 1970, les rapprochements à l'époque entre le FLF, le Front de libération des femmes, et le FLQ, le Front de libération du Québec, sont nombreux. Les deux mouvements, vous venez de l'entendre, sont organisés en cellules, et les deux mouvements se définissent comme révolutionnaires. C'est l'époque qu'il veut. Nous sommes dans ce Québec en pleine ébullition sociale et politique des années 70. On est présente au foyer, on est présente dans tous les services, on est présente dans les bureaux comme secrétaire, on est présente comme des serviteurs finalement. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait des femmes au foyer qui sont, et c'est la majorité pour moi, des femmes au foyer qui s'occupent des enfants, qui sont logées, sont nourries et qui ne veulent pas travailler. Et elles ont raison, parce que quand elles se mettent à travailler, c'est pour des salaires souvent inférieurs aux hommes et pour occuper des postes qui ne sont pas intéressants. Et je pense que c'est ça. Finalement, je ne dis pas que ça n'a pas changé un peu, mais c'est loin d'être idéal encore. Et je pense qu'il faut, nous prendre conscience. Même si on a pris conscience, nous, de ça, il faut faire prendre conscience à d'autres femmes que ce problème-là existe et que les femmes entre elles doivent être solidaires. Il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'il y a aussi le problème de la relation de la femme face à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'iront pas manifester parce que c'est un geste qui n'est pas très féminin. Il y a des gestes qu'on ne pose pas parce que ça n'est pas féminin et c'est final. On ne dit pas maudit ou on ne dit pas merde ou il faut bien parler, il faut s'habiller d'une certaine façon. Et alors, manifester dans les rues et porter une pancarte, ce n'est pas féminin. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, a priori, sont contre parce qu'elles ont peur d'être rejetées par les hommes. Extrait de l'émission « Telle quelle, la libération de la femme » diffusée le 9 mai 1970 pour nous faire revivre les belles heures de cette aventure du féminisme révolutionnaire des années 70 au Québec. Je reçois Véronique O'Leary, qui a été militante au Front de libération des femmes, cofondatrice du Centre des femmes, fondatrice du Théâtre des cuisines, le premier théâtre féministe au Québec, dont elle est toujours d'ailleurs directrice artistique. Véronique O'Leary est dans nos studios de Rimouski. Bonjour, Mme O'Leary. Bonjour. Revenons d'abord sur cette expression québécoise « debout », une expression très colorée qui va être utilisée pas mal dans les années 70 par le mouvement féministe. C'est d'abord un slogan, le slogan du FLF, le Front de libération des femmes. Ça va devenir le titre du journal du FLF. Pourquoi « québécoise debout » Qu'est-ce qui se cache, Véronique O'Leary, derrière ce « québécoise debout » Alors, au contraire, on ne cache rien, on dévoile, on révèle. Parce que debout, bon, au Québec, dans le temps, ben, enfin, Michel Tremblay reconnaissait la valeur de notre langue. Et quand on disait à quelqu'un, tiens-toi debout, on disait, tiens-toi debout. Ouais. Donc, c'était hommes et femmes, debout. Et, donc, volonté d'affirmation. Absolument, et de se soulever, hein, les soulèvements. C'est vraiment... en fait, c'est une grande révolte. C'est comme une colère, une révolte devant ce qui vient d'être nommé dans les entrevues qui m'émeuvent beaucoup à les entendre, et de toute l'hypocrisie sociale de l'époque où, soi-disant, on était plus libre, il y avait plus de travail. Il y avait quand même 65 % des femmes qui travaillaient à la maison, qui étaient ménagères, ouais. Et la majorité de celles qui travaillaient étaient sous-payées, comme c'était dit. Donc, il y avait une révolte devant les faits économiques et sociaux, mais tout le non-dit. Ouais. Toute l'oppression des femmes, ce qu'on appelle l'oppression cachée, la loi du silence, ce qui se passait dans nos maisons, la violence psychologique, de toute façon, ouais. D'être considérée comme inférieure comme femme, la violence sexuelle. Donc l'urgence de changer les choses, de changer la dynamique. Absolument, ouais. Absolument, c'était devenu insupportable. Ouais. On était en révolte. Ce qui est intéressant, vous parlez de révolte, c'est pas un hasard probablement, mais c'est dans la rue que va naître ce mouvement féministe révolutionnaire des années 70 au Québec. Tout commence en fait lors d'une manifestation qui est organisée par un groupe de femmes en novembre 1969. Les manifestations à l'époque étaient si nombreuses que l'administration Saunier-Drapeau avait pris les grands moyens. On venait carrément d'interdire toute manifestation à Montréal. Une occasion en or pour des jeunes militantes de défier l'autorité et d'envahir la place publique. Est-ce que vous affirmez que c'est plus facile pour des femmes de manifester et pourquoi? Oui, parce qu'on joue encore sur un vieux préjugé qui est réel, qui veut que les hommes soient moins violents envers les femmes. Enfin, ils agissent d'une façon beaucoup plus astucieuse et il faut s'en servir. Ce sont des militantes, des supporters, mais surtout des femmes. Parmi elles, Louise Arel. Moi, j'étais plutôt une jeune fille de bonne famille. Alors, finalement, on était quand même enchaînés. Écoute, on s'était tout enchaînés. Donc, si on prenait une, ils prenaient toute la gang. Et puis, on a été amenés. Ça a été ma première et dernière nuit en prison. Là. C'était une action choc pour affirmer notre raison d'être, notre besoin de liberté, de dire ce qu'on pensait, de la société, du système. Ouais. Extrait de l'émission « Tout le monde en parlait » diffusé en juillet 2007, dans lequel vous entendiez Nicole Thérien et Louise Arel. Revenons sur cette manifestation de novembre 69, Véronique Oléry. Quelle importance ça va avoir, cette manifestation-là, dans la création du Front de libération des femmes? Elle est déterminante. C'est là qu'on a réalisé, donc il y avait celles qui avions organisé, mais plein de femmes sont venues par solidarité, par enthousiasme, et elles ont réalisé, nous avons réalisé la force du « nous ». D'être ensemble et qu'on avait un réel pouvoir. Et donc, comme certains d'entre nous avaient déjà des liens avec le Women's Liberation, avec les femmes anglophones, ça nous a fait, ben nous, il faut créer notre propre mouvement de libération. Ouais. Et donc, on a décidé de se réunir peu de temps après la manifestation. Et là, on s'est retrouvés dans le centre de documentation de la CSN où travaillait Nicole Thérien. Et c'est là qu'a commencé, en fait, qu'on a décidé de créer, à la fin de l'automne, le Front de libération des femmes du Québec. Et qui compose ce « nous » qui sont ces militantes au Front de libération? Écoutez, c'était des femmes, il y en avait plusieurs qui étaient dans le service. Par exemple, il y avait des femmes de la CSN, secrétaires ou documentalistes. Il y avait des comédiennes là, dont j'étais, nous étions engagées dans le théâtre engagé, justement. Il y avait des travailleuses recherchistes, infirmières, des enseignantes. Il y avait des ménagères à temps plein qui venaient quand même. Et puis, il y avait des femmes beaucoup qui survivaient d'emplois qu'on dit précaires maintenant, des écrivaines, des artistes, des petits jobs pour payer leurs études. Ouais. Et il y avait en fait peu d'étudiantes. Les étudiantes étaient majoritairement les anglophones qui parlaient bien français, ouais. C'est intéressant, parce que vous l'avez évoqué déjà, mais ça commence, ce mouvement, ce féminisme révolutionnaire commence du côté anglophone au Québec. D'abord, les racines viennent du féminisme radical, viennent des États-Unis. Donc, ça commence au Québec, dans notre contexte, à Montréal, du côté anglophone. Puis vous le disiez à un instant, à un moment donné, on se dit, il faut qu'on existe nous-mêmes, femmes francophones, qu'on adhère à ce mouvement-là par nous-mêmes. Donc, il y aura une cohabitation. Comment ça va se passer, cette cohabitation entre francophones et anglophones? Écoutez, au début, ça va bien. Peu à peu, le poids tout de même... D'abord, à un moment donné, on a plus d'anglophones que de francophones. Et les femmes anglophones avaient accès à tous les textes américains. Donc, elles avaient comme la connaissance théorique. Et donc, on se sentait un peu dépourvu par rapport à la connaissance, nous, de notre milieu québécois. Et elles n'avaient pas vraiment la conscience... Bon, elles étaient pour que le Québec soit plus... certaines même pour l'indépendance. Mais elles ne vivaient pas ce qu'on vivait de colonisées québécoises. Ouais. Et plusieurs d'entre nous n'étaient pas des universitaires et ne venaient pas de milieux aisés, etc. Donc, la situation n'était pas la même et nous étions profondément aussi anticapitalistes et anticoloniales. Ouais. Et on considérait que le Québec était une colonie. Donc, notre conscience internationaliste était plus... On se sentait plus proche des femmes, des luttes d'Algérie, d'Afrique, etc., qu'elles qui ne vivaient pas cette situation-là. Donc forcément, il y aura séparation, exclusion. À un moment donné, les anglophones vont faire leur petit bout de chemin de leur côté et vous allez faire le vôtre du vôtre. Oui, mais ça a été difficile parce qu'on avait été proches, on avait appris, nous nous étions appris mutuellement, elles avaient participé de l'étincelle, mais vraiment, on sentait qu'on avait notre chemin à faire où on devait être nous, celles qui vivions et l'oppression des femmes comme elles et l'oppression des Québécoises. Ouais. Parlez-moi, Véronique O'Leary, de... vous arrivez, le Front de libération des femmes. Il y a déjà des organisations qui s'occupent des questions féminines, la Fédération des femmes du Québec, la FEAS, mais on le voit bien, là, vous avez une approche plus radicale, plus révolutionnaire. Vous vous situez où? Comment elles vous perçoivent, ces autres organisations? Ah, ça, il faudrait leur demander. on était en fait assez éloignés. On était un peu ignorantes, comme je vois les jeunes féministes de maintenant qui ne savent pas du tout qu'on a existé. Donc, on savait qu'elles existaient, mais on ne se sentait pas du tout représentées, si vous voulez, dans les luttes nouvelles, comme la lutte pour l'avortement, pour la contraception. Donc, c'était des femmes qui se battaient pour les droits des femmes, pour faire des réformes, je dirais, dans le système tel qu'il était. Ouais, ouais. Et nous, voulions changer le paradigme du système. Et même, je reprendrais Bourdieu, là, qui disait que les femmes comme étant inférieures étaient une doxa. C'est-à-dire, c'est tellement accepté que personne ne remettait en question l'infériorité des femmes. Et nous, c'était ça qui était vraiment l'anti-patriarcat. Mm-hmm. Et juste une petite définition du patriarcat, c'est pas ne pas aimer les hommes, ça n'a rien à voir. C'est un système institutionnalisé, systémique, où tous les lieux de pouvoir, religion, éducation, gouvernement, police, tous les lieux de pouvoir sont tenus par des hommes qui décident pour 52% de la population, qui sont les femmes. Donc ça, on comprend bien la dynamique dans laquelle vous êtes, votre perspective. Très concrètement, ça s'exprime comment? Donnez-moi, par exemple, les quelques causes, les principales causes concrètement que va défendre le Front de libération des femmes. Ben, écoutez, ça a commencé par la lutte pour l'avortement, puisqu'on a repris le service qu'on appelle le service d'avortement. C'était le Dr. Morgan Taylor qui avait des jeunes étudiants en médecine qui préparaient les femmes qui allaient se faire avorter, tout ça clandestinement. Et nous étions tous des criminels, toutes et tous des criminels. Mmh. Les femmes qui se faisaient avorter, c'était criminel. C'était de la désobéissance civile claire. Et donc ça, on l'assumait, ce service-là, parce qu'on savait trop de par nos vécus aussi. La situation horrible des avortements de charlatans, des avortements illégaux, non médicaux. Et pour nous, c'était une lutte absolument à maintenir ce service-là. Mm-hmm. Et donc, on travaillait en collaboration avec les médecins. Et je tiens à dire ici que les médecins avec qui nous travaillons n'ont jamais refusé une femme qui ne pouvait pas payer. Ouais. Je tiens à le dire. C'était pas pour faire de l'argent. Ouais. Donc ça, c'est au cœur. Il y aura d'autres revendications, mais l'avortement, l'accès à l'avortement, égalité salariale, déjà les garderies, hein, on en parle beaucoup à l'époque. Oui, ben c'est nous qui avons mis sur pied la première garderie populaire. C'est une des cellules du FLF, la cellule garderie, qui ont mis, en fait, qui ont parti une première garderie avec d'autres femmes dans un autre quartier, rue des Érables, ont mis sur pied une deuxième garderie. Là, les femmes ont dit, ben là, on n'a plus besoin de vous. Elles ont poursuivi leur propre chemin, mais c'est la naissance des premières garderies populaires. Ce qui est intéressant aussi, quand on refait l'histoire du Front de libération des femmes, c'est de voir un peu les actions très concrètement qui seront menées sur le terrain. L'une se déroule. Écoutez ça vaut le détour au Salon de la femme au printemps 1970. Vous semblez aimer particulièrement ce kiosque. Ah, ici, c'est inouï. Hein? C'est la femme objet sexuel avec toutes les bebelles. C'est fait pour la vampe, la femme qui doit attirer l'homme. On trouve de toutes les sortes. On se croirait dans un cirque. Tout ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les cirques, les femmes qui ont tous les petits costumes, on les retrouve ici. Ça, c'est censé être la femme de demain, la femme de l'avenir. C'est quoi pour vous la femme de demain? La femme de demain, c'est la femme qui n'a pas besoin d'être pognée par toutes ces bebelles-là pour montrer qu'elle existe, qu'elle a un corps en puissance. Oui, parce qu'il faut en parler, qu'on a un corps en puissance, puis qu'on n'a pas besoin de se décorer de toutes sortes de fleurs puis de filets pour pouvoir vivre avec des hommes. Alors, pourquoi on met ça sur le marché? Ça doit certainement se vendre. Bien, parce qu'il y a bien des hommes pognés, puis c'est pas tous des hommes nouveaux. Les hommes nouveaux sont très rares, comme les femmes nouvelles. Bien, moi, je pense que les Québécois sont drôlement pognés, justement parce qu'on était tellement retirés dans notre maison et tout ça. Aujourd'hui, qu'on décide de sortir, bien, on se dit, il faut se mettre belle. Puis pour se mettre belle, bien, la société de consommation nous présente des bebelles comme ça, alors on n'a pas le choix. Denise Bombardier interviewant la militante Nicole Thérien à l'émission Format 60 en mai 1970. C'était très, très parlant sur le type d'actions qui sont menées, des femmes qui se rendent dans un salon qui abrutit les femmes. C'est un peu ça l'idée, là. Oui, absolument. Et puis bon, on aimait bien notre titre de cette cellule de ce jour-là. C'était la cellule des patates colles. On fera pas la cuisine. Ouais. Et il y avait beaucoup d'humour dans ce qu'on faisait aussi, mais on touchait vraiment, quand on parle du corps, c'est qu'effectivement, on niait le corps des femmes, soi-disant, mais en fait, le corps des femmes était un objet de consommation, autant pour la consommation des objets que dans la prostitution, que dans l'abus sexuel. Donc, en fait, on niait notre corps pour mieux s'en servir. Ouais. Donc, il y a une hypocrisie qui était insupportable. Ouais. Il y a une action qui va se distinguer de toutes les autres, peut-être l'action la plus spectaculaire, la plus percutante que va mener le Front de libération des femmes. La fin de l'audience d'aujourd'hui au procès de Paul Rose a été très mouvementée. Après avoir ajourné les procédures à demain 10 heures, le juge Nichols se préparait à rendre des sentences pour outrage au tribunal contre Paul et Jacques Rose, Bernard Lortie, Francis Simard, ainsi que Lise Balcé. Au moment où Lise Balcé s'avançait vers le juge, sept femmes du Front de libération des femmes du Québec, dissimulées dans l'assistance, se sont précipitées avec la vitesse de l'éclair sur les sièges laissés vacants par le jury. Ces femmes désiraient protester contre le fait que les femmes ne peuvent faire partie du jury au Québec. Elles ont scandé en chœur le slogan suivant, « La justice, c'est de la 3 petits points », suivait le mot de Cambronne. C'était gros d'aller dire « la justice, c'est de la merde ». Même si ça n'avait pas été les mesures de garde, on attaquait le système de justice, qui est un système de classe, qui est un système sexiste, un système d'hommes, et c'était, entre guillemets, normal que le juge nous punisse. Sur le champ, le juge Nichols les a condamnées à 1 mois de prison. L'une d'elles ayant ajouté « on nous viole encore », elle se vit infliger un 2e mois de prison. Ça a pris quasiment 2 générations avant de recevoir ça, là, puis de l'accueillir positivement. Mais ma génération, il aimait pas ça, cette histoire-là. On nous a effacé de l'histoire. Il s'est sûrement passé quelque chose dans l'inconscient collectif pour que même les historiennes occultent ce geste-là. C'est pas rien pour moi, là. C'est pas rien. Extrait du reportage de Paul Racine, diffusé le 1er mars 71, du témoignage également de Marjolaine Péloquin dans le documentaire sonore « Debout », qui est produit par Télé-Québec, qui a été réalisé par Jenny Cartwright en 2019. Ça, c'est une des actions les plus spectaculaires du FLF, ce qu'on vient d'entendre, Véronique O'Leary. Et ce qui est frappant, parlez-moi un peu de l'intention, mais je vous dirais la fin de l'extrait, quand Mme Péloquin rappelle à quel point ces actions « radicales », entre guillemets, étaient mal perçues par beaucoup de femmes et à quel point... dit-elle, cette action, ce type d'action, ce mouvement-là a été longtemps occulté par les historiennes patentées, passez-moi à l'expression. Oui, je vais nommer, en fait, puisque c'était une grande déception pour nous, le collectif Clio, qui a écrit l'histoire des femmes au Québec, dans sa 2e édition, a retiré ces quelques pages sur le Front de libération des femmes et le sang des femmes, ce qui est ahurissant, puisque nous étions les premières, les pionnières de ce féminisme, ce nouveau féminisme. Donc, on faisait peur, mais on faisait peur pas juste à l'institution, aux hommes, on faisait peur parce que notre demande était vraiment un changement de vision du monde entre les hommes et les femmes. Et c'est encore ça, il y a juste à voir les jeunes féministes. Donc, il y a eu notre radicalité radicale, ça veut dire aller à la racine. Ouais. Donc, on allait à la racine. Quelles sont les causes de l'oppression des femmes? Et c'est immense. Et on entrait dans les causes, le capitalisme qui s'assert bien le travail invisible et gratuit des femmes et le colonialisme qui se sert des femmes, je ne rentrerai pas là-dedans, mais enfin le colonialisme a été terrible et les guerres en ce moment continuent à se servir des femmes comme objet de guerre. Ouais. Revenons à ce slogan qui est extraordinaire, Québécoise debout. Oui, le slogan du FLF, mais aussi un journal ensuite. Le journal qui a été lancé par le Front de libération des femmes en 1971. Parlez-moi un petit peu de ce journal-là. Dans quel contexte il naît? À quoi ça va ressembler, Québécoise debout? Écoutez, on voulait tellement parler aux autres femmes. On voulait tellement faire connaître ce qu'on découvrait entre nous. Parce qu'on a découvert quelque chose d'extraordinaire qui est la sororité. Hein, fraternité, ça fait partie de... égalité, fraternité, etc. Et nous, c'était la sororité, notre possible solidarité. Et on voulait partager, diffuser. Donc, on a dit, eh bien, on fait un journal. Il n'y avait aucun journal féministe. On a fait ça, mais vraiment artisanalement, avec tout notre cœur. Je le relisais, je trouve ça émouvant, tout ce qu'on mettait, le travail pour les garderies, l'avortement, on expliquait comment. On riait sur nous, les filles qui ne savent pas poser des lampes, comment installer une ampoule. Ouais. Enfin, il y avait un humour et en même temps, beaucoup d'outils, les organes génitaux des femmes et des hommes, la contraception, tout ça dans le premier numéro. Et comment le conditionnement des petites filles avait amené cette société misogyne. Donc, il y avait énormément de choses et on voulait partager, donner des outils aux femmes. C'était ça notre, notre objectif principal, c'est sachez ce qu'on nous a fait. Ouais. Le FLF, le Front de libération de la femme des femmes, va se dissoudre très vite en 1971, peu de temps d'ailleurs après la publication du premier numéro de Québécoise debout. Qu'est-ce qui fait que si rapidement le FLF disparaît? D'abord, le si vite, puis si rapidement, c'est une impression. On a eu 2 ans, on a été 2 ans, et quand je regarde tout ce qu'on a fait, c'est intense, mais disparaître en 2 ans, quand notre objectif était de faire connaître, de diffuser, et il y a quand même eu la suite après, il y a eu tellement de choses de fait, je pense que c'était aussi une intensité. Je relis le pourquoi, quels étaient nos objectifs, et je relis avec tendresse, je vais juste vous lire, parce que c'est trop touchant. Le Front de libération des femmes ne sera pas, nous le sentons bien, la force qui changera la société québécoise de fond en comble. Idéalement, oui, mais concrètement, non. Il y a tant à faire que ce serait se leurrer que d'espérer pour très bientôt la libération totale. Le but que se fixe le Front dans la phase actuelle des choses, c'est de créer une solidarité entre toutes les Québécoises qui nous permettra d'élaborer ensemble ce que devra être notre libération. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de tendresse pour nous dans cette impulsion très puissante et cette vision qu'il fallait tout changer et partager avec les femmes cette vision. Ça va se poursuivre, vous l'avez un petit peu évoqué, donc le 2 ans à peu près d'existence pour le Front de libération des femmes, qui devient ensuite, qui a une nouvelle vie avec le Centre des femmes. Oui, c'est que le Front, pour plein de raisons, ça serait trop long à évoquer, je vais renvoyer les gens à la future réédition des anthologies des textes des Québécoises debout. Les femmes, les toutes premières, avaient tellement fait de choses en peu de temps, plus celles qui avaient été en prison. Ça avait été quand même une expérience très enrichissante, mais douloureuse pour plusieurs. Et donc, il y avait un épuisement. Et les jeunes femmes qui sont venues nous rejoindre après cette action, elles s'attendaient, je pense, à ce qu'on soit très organisées. Or, il y avait une sorte de liberté des cellules, ce qu'on appelait les cellules, comme dans plein de groupes à l'époque, comme la Résistance française avait des cellules. C'était un terme pour les groupes qui avaient une espèce d'autonomie dans leur action. Et je pense qu'il y a eu vraiment un essoufflement, un épuisement, et puis aussi que le fait de jeunes femmes qui voulaient plus de sérieux, plus de, que ce soit plus précis, etc. C'est comme si on n'avait pas forcément les mêmes façons de voir l'organisation. Et celle qui arrivait, en fait, était tributaire de ce qui se passait à ce moment-là. C'était l'organisation d'une nouvelle gauche qui s'en allait vers le marxisme-léninisme. Ouais. Véronique O'Leary, c'était un vrai bonheur de vous recevoir, ex-militante du Front de libération des femmes, cofondatrice du Centre des femmes, fondatrice du Théâtre des cuisines. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.